100% francês com Ricardo de Matos. Licença, deixo aqui mesmo, muito obrigado, adorei reviver a viagem neste seu maquinão, caro Johnny. Olá, boa tarde, desculpa, estava aqui a agradecer a Johnny Hallyday, a boleia no seu Cadillac do qual é proprietário desde 1989. Sejam bem-vindos, passemos à primeira novidade da semana, sem perder mais tempo, o tema que estreia por aqui, mais um single de Carlo Gerro, mas o álbum já é bem conhecido dos ouvintes do 100% francês. Eu bem digo que L'Ambéry é um trabalho que não para de extrair temas para as rádios. Aí está mais um, a ver vamos se é o último, a partir de assim, já que o álbum é de 2009. Nathan é para conhecer agora. Je m'appelle Nathan. Je suis différent. C'est un tremblement dans mon cœur d'enfant. Je m'appelle Nathan. Personne ne m'entend. Je ris en pleurant. Je pleure en dedans. Je m'appelle Nathan. Personne ne m'attend. J'ai des rêves en blanc. Ça fait peur. Du monde, on me dit. Je comprends tout ce qu'on s'y dit. Mais pour rien au monde, je ne veux de ce monde si malheureux. De ma folie à scandale. Venez dans mon hôpital qui fait peur dans vos maisons. Nathan, je m'appelle. Je suis tous nos rêves. L'âge de raison, J. Kaplan, em 1996. Recomendo vivamente a visualização do videoclipe correspondente, pois reflete na perfeição a imagem que esta senhora faz passar de si através da voz. E foi com o tema que se segue que os Suárez se apresentaram ao público ano passado, conseguiram fazer as primeiras partes de Vanessa Paradis e Thomas Dutronc, e pronto, agora está tudo preparadinho para que daqui para a frente continuem a subir na carreira. No 100% francês toquem a posta On Attend, o tema que também dá nome ao álbum. Retrouve-moi rue des étoiles. Après Saturne, il faudra suivre les comètes. On apercevra Uranus, aussi Pluton, le Terminus, là où la galaxie s'arrête. Je sais, on n'ira pas sur Mars, car c'est là qu'habite la Garce qui t'a volé ton ancien mec. Et oublie tes nuits sans sommeil, de l'infini jusqu'au soleil, je t'apprendrai à vivre avec. Et tellement d'autres choses, l'envie en overdose. Retrouve-moi rue des étoiles, la deuxième après Jupiter. Recuperamos agora um dos temas que deram a conhecer Grégoire, aquele senhor que foi patrocinado por um conjunto de internautas, para se lançar na música, na condição de todos terem uma palavra final a dizer. Foi a viagem até à Rue des Étoiles. Decididíssima e sem hesitações, e é também, mas não só isto, que lhe valeu o reconhecimento imediato do grande público francófono, Camélia Jordana com o seu primeiro sucesso, Non, Non, Non, agora, no 100% francês. Combien de fois faut-il vous le dire avec style? Je ne veux pas sortir au baron. Non, non, non, non. Je ne veux pas prendre l'air. Non, non, non, non. Je ne veux pas boire un verre. Non, non, non, non. Je ne veux pas l'oublier. Non, non, non, non. Je ne veux pas m'en passer. Thank you. 100% fr.blogspot.com. 100% francês com Ricardo de Matos.

cut, Dobby et de jolies mélodies. Embellit la soirée au l'essor du lima joli. Comme mes locks sans mêler sur ma tête. Rejoins-nous, ce soir c'est la teuf. Viens dans mon taxi, s'aimer toute la nuit. Tourner dans Paris, ma baby sexy. Viens dans mon taxi, s'aimer toute la nuit. Tourner dans Paris, ma sexy baby. Viens dans mon taxi, de midi à minuit. Tourner dans Paris, ma sexy baby. Viens dans mon taxi, s'aimer toute la nuit. No início de hora ainda tivemos a boleia do Cadillac, de Johnny Hallyday. Desta vez tivemos mesmo de apanhar um táxi. Não faz mal, até porque o motorista da Oxineco até lhe dá bem na música. E agora é hora de apresentar mais uma estreia, com música e formação que nunca antes tinha visitado o 100% francês. De resto, Igor and the Hippielands é mais um dos muitos projetos. Fazem parte da vida profissional de Igor Stanislas. Para conhecer agora L'Anniversaire, e já agora, se hoje é o seu dia, os meus parabéns. J'avais une vie normale, ce qu'on appelle une vie sociale réussie. Mon pari, d'avoir la grosse voiture, et puis la villégiature, une jolie femme. Un sucre de canne artificiel, superficiel, trop ordinaire. Sur la terre, je vivais la belle vie, mais lequel de mes amis, le temps défilait, les années passaient. Tout le monde m'enviait déjà, mais une partie manquait en moi, il fallait la retrouver. Pour me retrouver artificiel, superficiel, trop ordinaire sur la terre. Fais-moi un printemps pour commencer l'histoire, pour devenir l'amant qui te fait veiller tard. Laisse-moi te séduire et te dire d'où je viens. Et si mon cœur bat vite, c'est que tu me plais bien. Donne-moi un été pour ne penser qu'à toi. Ces filles à moitié nues, je ne les verrai pas. Les rayons du soleil te bruniront la peau. Tu te sentiras belle et tu me rendras beau. Donne-moi quatre saisons pour apprendre à t'aimer, à t'aimer. Donne-moi quatre saisons avant de t'en aller pour tout recommencer. Donne-moi un automne sans y voir le déclin. Continuons le film sans penser à la fin. Si parfois des mots blessent l'un de nous deux, retrouvons le plaisir de nos jeux amoureux. Já que o outono é mesmo um período onde se fazem sentir as quatro estações por excelência, passou num 100% francês, Quatre Saisons, de Renaud Anderson, com uma ajudinha de France Gall, que deu aqui a voz pela primeira vez depois da morte do seu esposo Michel Berger, ainda que de forma muito discreta. Deve ser bom persuasor este Renaud Anderson. E vamos terminando a seleção oficial do 100% francês ao som da mais nova, de De Palmas, este Mon Coeur ne bat plus. Continuation de l'instant de domingo. Mon amour ne te vexe pas. Si tu m'appelles, je ne répondrai pas. On ne me laisse pas le choix. Mon cœur ne bat plus pour toi. J'ai lutté mais rien à faire. Ses yeux et sa bouche, je ne touchais plus terre. Mes épaules ont cédé sous le poids. Mon cœur ne bat plus pour toi, non. Mon cœur ne bat plus pour toi, non. Et les mots résonnent. Coupable et victime à la fois, mon cœur ne veut plus battre pour toi. Je devrais pouvoir réussir à donner le change, mais pourquoi te mentir? Elle fait ce qu'elle veut de moi. Mon cœur ne bat plus, ne bat plus pour toi. Mon cœur ne bat plus, ne bat plus pour toi. Si tu m'appelles, je ne répondrai pas. Elle fait ce qu'elle veut de moi. Mon cœur ne bat plus, ne bat plus pour toi. Et de mauvais ordre. Centro francês, música extra. Philippe Herrmann, O Son des Voyageurs, 1993. Les Enfoirés, ici, Les Enfoirés. 2009. Saltimbanques, c'est pas sérieux, mais les ministères n'ont pas fait mieux. Ici les enfoirés, oh oh, rejoins notre armée. Faut-il chanter contre les misères, ou bien se taire, passer ne rien faire. Ici les enfoirés. Chanter même à en pleurer. Chanter, chanter même à en pleurer. Entre un rêve et la réalité. Ici les enfoirés. Oh, oh, rejoins notre armée. Parfois je me demande à quoi ça sert. Espèce d'enfoiré. Ici les enfoirés. Pour un soir, on est encore là, 20 ans plus tard. Ici les enfoirés. Ménélic, bus 134. 2001. Yeah. 8 heures à l'heure, tu montes en voiture. Pour moi, commence la torture. Le bus est plein et ta place est libre. Allume ton parfum, j'ai faim, je vibre. Parfois j'ai envie de t'adresser des baisers fougueux. Qu'à l'arrière du bus, on se retrouve seuls tous les deux. Qu'on s'enivre un peu, toi et moi. Sous le saut de Bacchus, je laisse ma caisse chaque matin comme toi. Je prends le bus à l'arrêt Saint-Pierre. Tu t'arrêtes, déjà parti. Je regrette, j'aimerais tant te parler. Tu es trop lointaine, je te regarde t'en aller. Et avec toi, ma peine. Chaque matin, je pointe sur le même chemin. Tu sais bien que je serai là demain. J'ai envie de t'agresser, mais je me réfrène. Tous les gens trop pressés finissent ta fête. Tu deviens passé jour après jour. Je suis là. Pour te parler, dès 7h à l'arrêt, je suis planté, le bus passe. Soudain je te vois comme un soleil. brûle près de toi. J'ai pas envie que les contrôleurs me prennent pour un Mickey. Rien que pour toi tu vois, j'ai payé un ticket. J'arrive pas à croire que tu sois belle comme ça. J'suis sûr que d'autres mecs se sont valés pour moi. Et ça tu es radieuse. Comme d'habitude, je remarque, tu portes un jean plein sud. Tu souris, je m'approche de toi. C'était pas pour moi, merde, tu embrasses ton gars. Chaque matin je pointe sur le même chemin. Tu sais bien que je serai là demain. J'ai envie de t'agresser, mais je me réfrène. Tous les gens trop pressés finissent après. T'es couché un matin dans le bus 134, t'as fait comme si de rien n'était. Ça slamait pas, je n'ai l'air de rien, une partie de rien. Tu es mon tout, je n'ai jamais été aussi matinal. Je deviens fou. Chaque matin je pointe sur le même chemin. Tu sais bien que je serai là demain. J'ai envie de t'agresser, mais je me réfrène. Tous les gens trop pressés finissent après. Jour après jour, je suis là.